depuis nous bâti un projet, manger du riz et crabe, chanter café. Maman, depuis nous bâti un projet, manger au calalou, chanter café. Maman, depuis nous quitté nous, la ville a changé, aïe pas pareil. Avancer pour avancer. Whoa.